Tais-toi, attends, arrête-toi, par chacun. Tu le feras manger du tout sans te présenter un jeune sourire de la casquette. Et c'est là où ton image de vie, celle-là même qui complète pour incarner le trésor de tes rêves. Souris, la première fois. Souris, maintenant, porte à tout ça.